Salut, c'est Max Dembo, bienvenue dans la deuxième édition de Lourd, votre nouvelle émission rap. Je vous rappelle l'idée très simple de cette émission, vous partagez des morceaux que j'aime bien, ici de toutes les variantes et de toutes les mouvances du rap, toutes les époques et potentiellement tous les pays. On vient de s'écouter le générique, qui est Get Up de Masters at Work, tel que fixé par Funk Master Flex dans 60 Minutes of Funk. Ici l'émission elle dure 2 heures et ça commence maintenant. Situation, my son, I'm as serious as cancer, all fun is done. For the time, the people correspond, the rhymes, the two is valid, the best you will find. Living in CI, who the hell am I? Agent Rock, the juice, I can fly cool with the riffing guy. Keep a handle, cause if you don't, I'll wax you down like a candle. Be love, I'm a top biller, hard time iller, permanent chiller, son of Sam Killer, the horror in the villa. Unlike the rest, the best, I am a thriller. Kill it or shoot it, bite it and distribute it. But either way, the two's unconstituted. Styling and wilding, constantly smiling. We'll keep trooping in a place called Strong Island. I have a rep to protect, epitomes I dissect. I was born in Brooklyn, New York, but not Long Island effect. That's word to her. It's about out east, we got the talent eating it up like a Sunday feast. Hear from the doctor, go get the priest, cause as of now, MCs you're deceased. Straight from the mic, all trouble release. You wanna scratch like a cake, I'll dish you a piece. I need a scratch, now my battery's banging. Sorry for the pause, I mean to leave you hanging. I'm good to go so that you know my words flow. I got the voice that's choice, kicking in this demo. Getting fully, fully paid with my man Andrew Jackson. My bank account and Ben Franklin do some access. So I sit court, while my 50s I sort. Once in a while I lounge about in the gear that I brought. Taking daily shopping sprees with major credit cards. Buying up before disregard. Money ain't the object cause I got it to fling. My lower closet's world of Bally and the upper's just king. Step up on the platform, kid, if you're so irate. We complete with defeat, it's not added or fate. Test your skills if you will, don't let us trouble your fate. But the almighty JVC force, the boys with some great Strong Island. Knocking out crews by the threes and fours. Kirk is out, cut the beat while we take a short pause. While I'm good to groove you, move you and soothe your every emotion. Just put your trust in us and have devotion. The voices on the set is your magic potion. You're rocking this like a ship that's in motion. Other MCs take the gold tone and panic. They'll sink the ship like it was a Titanic. Billy Taylor known to rock the mic right. Excelling through the air like the Concorde in flight. I can chill to the max and hold my place like a kite. But either way, on any day I'm guaranteed to excite you. Here's a preview of our latest debut. What's coming next? Don't try to answer cause you ain't got a clue. You could bite, but it's not wise. All I do is sue at your expense. Me and B a gain a million or two. How true of who you need? He played a corner of bruise. Eat the flyest seafoods at restaurants that's new. Roll out the windows in the limo while I'm cruising the deuce. Point out a girl, diss a man and take an infant seduce. In the field, serving no kind of use. Lingering on for the funky, funky rhymes I produce. Jerry Woods is my name, aka AJ. Just shut your mouth, in the situation you ain't got sex. Strong Island. Wild boy, I'm the cowboy, so make my day. Like Jesse James, self-proclaim me and A don't play. Holding like a dime, not a fiver or tray. You're commercial, I'm imported, under me you will stay. On all things, I pull strings, you're the board, I'm the dog. In the grocery store, I'm the food, you're the car. Just my servant permanently, designed for my knees. You're a mutton, I'm a fighter, classified as full breed. How do you spell relief? I spell it JVC. To break it down even further, BEELUV. If you don't understand MEULSEE, I am an RAPPER, a real dope MC. You're reminisce with a bliss. To my style, there's a twist. And for the ladies, this jam is sealed with a kiss. This is live, no jive, hot pope from L.I. The trio made it. Now you know it's got to be fly. I think so, and if you don't, meet us down at the bank. Then hit the record store for Billboard and see how it ranks. Take the lump out your throat, don't try to play like we're friends. Cause all you know is that a group of strong, I did it again. Don't tell your posse that you took me out, cause you're a soft hot rock. The fact to be due is that you're on my jock. Don't try to play, you didn't know that I knew I had to renovate my thing for duck suckers like you. We all know how the story goes. Time after time, your jealousy shown, you're burning up inside. But the force don't care, signing off as A&B, way out of here like Bell Strong Island. This is how it should be done. Hello. Yeah, see, I'ma hit your phone once, then it's no sweat. I'll double text. Damn, that sound good. Shorty, you cool, just relax. Let me know which vibe that you wanna catch. Damn, that sound good. Yeah, yo, man, he a newspaper stand. He ain't have emotion, you should roll with us. Damn, that sound good. On the balcony, we hit the waves, cause we oceanfront. Damn, that sound good. Right? Cause that's a good plan, ain't. Oh, you wanna get tan, ain't. Oh, you wanna hit turks, wanna get a little turk and do your dance, ain't. Oh, you wanna get lit, wanna show your little fit, these bitches is fans, ain't. You are rocking with the mother. She drop it for me for her entertainment. Like your checks in the mail. I'm powerlifting way over your head. Blowing loud like damn, a saxophone. Exotics good. And blends. Cause the way got them drums and the sample we flip. When they hit us, they gon' be like, this go hard in a bitch. Yeah, coolest kids out if you heard what they said. Yeah, watch damn, what I do, I hope you know how to good. Spell. Cause I saw it how I seen it. Made a couple good deals. And without these Cartiers, damn, I can't see good. That well. For my folk pickup truck, English drop it. Airbag lifts and hydraulics, stop it. Niggas really could go shopping in my closet. I'm running on them plates like the water out the faucet. See, I'ma hit your phone once, then it's no sweat. I don't double text. Damn, that sound good. Shorty, you cool, just relax. Let me know which vibe that you wanna catch. Damn, that sound good. Yeah, man, he a newspaper stand. He ain't have emotion, you should roll with us. Damn, that sound good. diamond. Yeah. Yeah, you know. You got to get with it now. Come on now. Get ready. You got to get with it come now. Come on, talk to him, X. Talk come to him. Come on now. Diamond sent this beat to ask, could I get with it? And was I still committed? In this heat, could I fit it? Never question my saliva. And yeah, I'm a 9-to-5er. But my mortgage is just about paid. Never ask no nigga for nobody. The art of war is knowing how to take a hit. A hog and blood spit. Yeah, I'm still here, why wouldn't I be? Put my feet in the sea. Every move I make is with a calculation. You're never supposed to give up all the information. I want my heaven right now. You got to get with it now. Come on now. You got to get with it now. Come on now, people. You got to get with it now. Come on now, people. My featureless stretch from Conway to Jay. I'm still waiting on that call from Ye. In my radio play, you might bypass the X, but I can spot money with come my specs. And if I lose these, I got a backup, and I sleep with the actor. Kick in my door, disrespect my peace, they gon' find shell cases all over this bitch. Hey Diamond, bring my voice up in the pitch. What's considered which? In this wilderness land, on me Diamond got a post. That's why we get great results. You got to get with it now. The thing about time is if you don't change with it, things will get strange with it. And never count another man's pocket. Nah, I'm a boss and I'm rich, space these sprockets. A few Tiffany yellow canary lockets. Nice. M72s with the rockets. And Pilo sitting across from Mike Dukakis. What up, Mike? Nowadays, everybody's a rapper and feel they got a platinum disc. Some niggas get an asterisk. It's not a badge to honor the die. No, it's not. Today, niggas cry. Tomorrow, they got a basketball tournament in your honor. Thursday, he's talking to your wife. Motherfucker, that's life. You got to get with it now. Come on now, people. You got to get with it now. Come on now, people. You got to get with it now. Come on now. Friend. I'm no joke when it comes to a rap tune. Stuff brothers kicked, I would've flushed in the bathroom. I get looser as a dope track producer. Girls got game, but I doubt if they could juice her. Brother that's stronger whenever I get on her. System, cause I'm a top-notch performer. I mingle cause I'm single, a brother with fly taste. After this party, there's another one at my place. Vanessa's here, party people be aware. Throw your hands in the air, cause it's a party over here. Is it a party over here? It's a party over here. Is it a party over here? It's a party over here. Is it a the man, the player, Mr. Suave, blase, blase. So just lounge and parlay. I'm full grown, bad to the bone. I got everything sewn, so just pass the microphone. When it comes to rhyme, I got all flavors. I get funky and a bunch of musky ball players. That's the reason why I always rag shows. Been rhyming since the days of bell bottoms and afros. So welcome all contenders. Your boys that get played like overlap with suspenders. So sit back and just bust this. Or sing along with Hammer, cause you know you can't touch this. Y'all be kicking raps, talking about this and that. Say I can't get with that chicken scratch, picture that. I always manage to slam and damage crews. I got more flavor than Spanish food. On top of the spot when I rock, that's why things get too hot. I got more hits than a jukebox. Was nice in the days, but I'm still ill. MCs better chill and watch your brother with real skills. They can't meet this, defeat this, or beat this. Word to Miz, I leave them corny brother speechless. So don't stare, make some noise and cheer. Throw your hands in the air, cause it's a party over here. Is it a party? It's a party over here. Is it a party over here? It's a party over here. Is it a party over there? It's a party over here. Where the party's at? Yo, yo, it's over here. Is it a party over there? It's a party over here. Is it a party over there? It's a party over here. Is it a party over there? It's a party over here. Where the party's at? Yo, yo, it's over here. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. It's a party over here and a party over there too. Guys with the jewelry and girls with the hairdos. I'm aggressive, one of the freshest. So who the best is? Lord Finesses. So come get with this and watch me flip this. Finesse is the man on the mic and I'ma rip this. This isn't stuff that you find at a bargain play. So let's get it on just like Marvin Gaye. What's up, Finesse? Just cool and black. I don't worry about others because the brothers ain't doing jack. I'm launching in a gym that's packed to the rim. Give me the cash, the props, the fame, and I'm in. Well, the lounging, I'm maxing, chilling or relaxing. It won't hurt to check me out in live action. Step in, watch Mike smooth spin. For ladies and men, doors open at 10 p.m. So push your bins or your BM. Finesse is live on the mic, so come and see him. With the new flavor, that's why I'm gonna stay fly. It won't hurt the lounge to drop by to say hi. She tore a major, will never betray. I kick ballistic science and all that other flavor. I pump my rhymes like a barbell. Got more flavor than the neighborhood Carvels. I'm better than Keith, I do more than just make you sweat. Whenever I kick flavor on a tape cassette, I always come equipped with yes, yes, sure. Here we go. And that's another hit. So don't stare, make some noise and cheer. Throw your hands in the air, cause it's a party over here. Is it a party over here? It's a party over here. Is it a party over there? It's a party over here. Is it a party over there? It's a party over here. Then where the party's at? Yo, yo, it's over here. Is it a party over there? It's a party over here. Is it a party over here? It's a party over here. Is it a party over here? It's a party over here. Then where the party's at? Yo, yo, it's over here. Oh, yeah. Now we out of here. Peace. Kick tires. Back in 86, I lived for the four-course artistry. Metal one flip turn, sewing off colors and shit. Like I invaded a maiden dance ritual. Criminal now. Why do things find beautiful under my power? Elf and Doug flashback. Motherfuckers is like, how? Why haven't we left yet? Dithering sine wave twang for youth and brain management truth. The vantage like, boop. You can't touch the crush pool. I live on a lunch table. Touch bagels. Duck labels. Capital One, here to live from the Terradome stables. Sign a ruckus. I'd rather be mouth-fucked by Nazis unconscious. Calling all bomb threats. The radio reactivated, caress. Under hellified missile defense. Fenced in, better blame it on Bay City grin. Walk with a bag full of Kenyans. Take me to the river and throw yourself in. In about 4 seconds, the ether will begin to leak into Who wanna hold hands with this sickle malnutrition and soak the new speed? Dissolve into the syncopated fragments of violence, splash the loose leaf. We can embrace on the business end of my face first. Joe burst the volcano suicide league. Dance with the vinyl monster. Devil in blue sky, blind with clean conscience. Save the gesture. Can't save the children, we weren't worth the effort. I'm a caveman. Your modern ways frighten and confuse me. I watch your spirit box with the blinking lights and things. Are those little people trapped in that bus? No caveman. But I do know converted. My digital A-bus, Mackie, Avalon. Combined with eight step perfected. Dirty words, paralyzed, crumbs, and infection. Infectious. Insofar as the ineffectual beg for the lectures. Development arrested. Trapped in a cuckoo's nest, looking for the nexus. If it's wild like that, child, fire. Infrared scope in the clutch of a tyrant. New world lullaby. Sirens. Stuck migrants. Lust and blind violence. It's all bad timing. Getting murked on a tram over Roosevelt Island. You think that's spacey? Deep space, 9mm, sun keeps smiling. Resistance on the fringes and such. My generation just sit like dust. See the rubber pussy, that's what I trust. Tell this story, you're right here holding my nuts. Right here holding my nuts. Right here holding my nuts. Right here holding my nuts. Resistance on the fringes. Vous écoutez Lourd, deuxième émission. On vient de s'écouter à l'instant le classique Deep Space 9mm de LP, un des morceaux assez futuristes de son album Fantastic Damage, sorti à l'origine en 2002 sur Definitive Jux, un label qu'il avait cofondé avec Amaechi Uzoigwe, qui est actuellement manager de son groupe Run the Jewels. 2002, c'était une période où le hip-hop il se cherchait pas mal, suite à la période dorée des années 90. Dave Jux, Rocus, Anticon, ça représentait des labels qui étaient assez défricheurs, surtout sur la partie production, qui sortaient pas mal des références du boom-bap des années précédentes pour tenter des nouvelles choses. Juste avant, c'était Party Over Here, la version remix du légendaire Lord Finesse, grand nom de l'âge d'or du hip-hop US des années 90, et membre du crew D.I.T.C. aux côtés de Diamond D, Big L, Fat Joe ou encore Aussie. On a écouté aussi Get With It, un morceau récent de Diamond D justement, et avec en featuring le fameux Sadat X de Brand Nubian. Sadat X a toujours un flow assez reconnaissable, hein, c'est sympa de voir que ces deux grands noms du rap américain sont toujours bien au top, plusieurs années après leurs heures de gloire. Juste avant, c'était Rockbox des Cool Kids, extrait de leur récent album High Top Fade. Le groupe est en activité depuis 2007 et j'aime bien leur approche qui combine un clin d'œil appuyé à des sonorités old school et une production moderne. Et puis on avait commencé l'émission avec Strong Island, JVC Force, morceau sorti en 87 qui a fait connaître ce combo de Long Island, New York. Ils ont sorti deux albums ensuite, mais c'est surtout ce morceau qui restait. Un membre du groupe, Curtis Small, a rejoint plus tard le crew D&D qui gérait des studios et un label. Le label a été à l'origine de quelques bons tubes underground des années 90 comme Tremendous de Mama Mystique ou Répertoire de QNC. Et les studios ont vu passer les plus grands noms du rap new-yorkais et ont été rachetés en 2003 par un certain DJ Premier. That dirty money stinks, scrub it in the sink. Brothers wasn't in sync. Now I got blood on my sneaks, some was smudged on my cheeks. Slugs running your mug piece, a dozen at least. Beloved, I'm covered in grease, but now I do my morning runs on the beach in Greece. I'm beyond the goat, I'm such a threat. These niggas can't touch me, not a threat. Glock 40 in a strawberry red tripod. Look like the wet Montclair. In my ear, one clear solitaire. I'm rhyming out of God tier. Brown foxes, I'm a chocolatier. I got the thousand mile stare. You got a coward's glare. Gunpowder cloud the air. I dare you come out your mouth sounding weird. Popping all that fly shit out your beard. They begging for recognition like some bitches till they bedridden. Led wizard through a relative's kitchen. Hit mama where go, your soul was watermelon and chicken. Shit was all on the dishes. Serving butter for bread and butter. Got me some Margiela steppers in every color. Me lay a heifer some heavy lumber at the London. Creep with the gun like I'm doing lunges. Schoolies dunces, looted my Gucci jumpers. Keep a few sticks, we Thule dumpers. Could never be too reluctant to shoot the musket. My knuckles is jewel encrusted. You on fuck shit. Made a few adjustments. Niggas bit the swag but couldn't do it justice. It's quite flattering, I find it embarrassing. Y'all stinking up the joint like a quiet flatulent. Pull up and bang out if you're feeling froggy. The inside of the Ferrari got foggy. Word to mommy. I knew from his shirt the work was a body. Sahana. Stick is dead. Big as what the fuck. Spray my heart. Mars beginning. Yeah. Smell me. Oh, showed up. Every time I left by walking out the door. mics over kids at Tent Bridge. Trinidad pork and free lunch. Rest in peace, Nut. Rest in peace, Barry. Rest in peace, Mick. I heard he got killed by Ferry. Back in 97, me and Laura had our next slit. Walking through Bennett, I was plotting on the next bitch. Started fucking Stephanie. Had a crush on Pam. The ball looking good, though. Come here, take my hand. Only took one loss. Barely niggas stuck me. But sure, you was my man. You couldn't stop him, but you jumped me. It's Budo. Machine gun went back. Volcano had to tell. My nigga was Miguel Lafayette of Wakefield. I hope you rest well. 56 pimp of the year. I beat with them. That's when shit fucked your ass. That's when shit fucked your ass. That's when shit fucked Khalil. That's when shit fucked Khalil. Shot the caution bells. We left on Leroy Hill. Ah. I used to train like Rocky, catching chickens. I was nice, but they was right when they told me that rap a business. I had 10 bands in my stash when I passed over half a million. Come easy, no good, don't be surprised I'll last these niggas. It's like they put out a smash, then they gone in a flash, admit it. And then they make tracks and disses like that's gonna add up the digits. They showing fake racks and pictures like that's gonna attract the bitches. That was really me, nigga. I ain't have to act and conflicted. Only difference is I'm living. And I would've whacked one of them niggas who knew that after drug dealing I still be casual, spending mil plus annual income. So here's my manual and some. And this Eastside shit still in me. My ability to turn words to imagery. Probably the reason they gon' remember me. Figure we walk this tightrope with a feline's agility. The streets did so much shit to me, I could never live civilly. I can never leave a scene without checking my mirrors visually. Come with that energy, cause some shit gon' always stick with me. They wanna know what I brought to Griselda, I say validity. They asking what work that niggas put in, I'm like, but didn't we? Problems, then I correct through the obstacles I progress. Illogical for them to feel they responsible for our success. Besides Kanye West, tell me who else I gotta respect. Cause I'm kinda perplexed, it's about time that I got my respect. It's the Butcher, nigga. Let's go. About time that I got my respect, it's the Butcher, nigga. Yeah. Cold fucking world. Griselda shit, you know what I mean? Griselda. You know what it is, nigga. When I show up, I'm on 10, nigga, not 9. On the night I was born, the rain was pouring. God was crying, lightning struck, power outage, sparks was flying. The real ones here, the young boy that walked with lions. Around the outlines of chalk where the corpse is lying. Of course I'm trying to revive a sport that's dying. But the guns and the drug bars that y'all relying. Got these nerves thinking that you niggas hard as iron. But that just mean I ain't as comfortable as y'all with lying. Stretching the truth, no I never stress in the booth. They feel the pressure, me I feel like I just left them a masseuse. Effortless, how I'm skating on these records is proof. I put your favorite rapper neck in a noose, never letting them loose. cold world, the heat a blast of your speaker. He the last of Mohicans, no weakness, last in my sneakers. Nigga want me on the song, he gon' see the wrath of the reaper. I'm probably gon' go to hell if Jesus asks for a feature. I'm higher than niggas, it don't need a bag full of reefer. Some see the glass is empty, I see a glass full of ether. Collecting his bread and mash like he a Catholic preacher. Just to count a nigga cash, you might need a calculus teacher. Eureka, Einstein on the brink of the theory of relativity. Really, no MC equal. Feel me, Copen be lethal, crip like an old MTV show. On God, the best rapper alive, headshot. Now go and ask the best rappers that died. They tell you he never lied, nigga. Tenor talk. Get the empty capsules out the cabinet. Scale over there. Yo, I had 18 O's in my top drawer. Pocket full of dough. Cuties calling my phone for the lock drawer. Now we overseas. French hoes telling me bonjour. Benz, no keys. Before it was a full contour. Used to serve them out the window. Pills had them rolling like Snoop Dogg in a 6-4. Now my shit hitting like Vladimir Klitschko. I been that nigga, your mother's sister and bitch. No Supreme Box logos. Begging for photos, my leather coat, Yamamoto, dripping like Soul Glow. Push ups on the cell floor, counting the days to go home. 6 million ways to get paid, I need old dough. Mayweather cheddar, Cybertruck Tesla. Got them lining up, they all stuck on for the Tesla. Before I met West, Cuddy was my best investor. Stepper, bagging up meth for my dresser. Hoping God got me, sidestepping the law, sold it all hard to the Roxy. Now they snap my picture like paparazzi. Whip the Maserati like Ricky Bobby. Keep the blicky by me. Keep it on me like ID. Games in my veins like fluid out the IV. Your favorite rapper just a body. They're hearing footsteps in the dark like the Isleys. If you was me and I was you, I wouldn't try me. It's an art of folding paper, origami, not a paper chaser. Spinning paper made off a Ponzi. I got time today, might write a rhyme today. The way I rhyme, perfect time to make a rapper rhyme and throw his rhymes away. I ain't the kind to feel some kind of weight, this ain't that kind of play. But this kind of pay could beat a child with just a dime a day. I mean, the time ain't timelining, every line is not aligning. So I line him like he Frankie Lyman, blowing lines again. My consent is your consignment, the assignment is obey. Can you do this while I'm rhyming? Call me Simon when I say. I'm cool as O'Shea. Got ice up in the tray. Them in my A's got heat rising like they climbing in LA. Y'all gon' pick the beat, trying dog and diamonds, let it stray. Bring the pain or shake it or pop the cork and let it spray. Catch it straight, you a body, ay, don't be somebody pray. Chef Soufflé, yep, that's probably Ray. Could beat Bobby Flay, Johnny Blaze, and roam streets. Bosses, we own beats. In fact, that Johnny Blaze, if you ever roam on the wrong street. Conductor, we have a problem. Conductor, we have a problem. Conductor, conductor, we have a problem. Oh, yeah, word up. Word the mother. Here comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this. I'm right in front of my front steps, thinking of a plan. Looking like Raggedy Ann or throwing hand, kicking a can. Thinking of a bank to pull some banking, because I'm dead and stinking. So's all my shoes winking, t-shirt is shrinking. Soon I see some thighs and my eyes open wide quick. Who's that with the chick? Bill Blast, my sidekick. What's up, Black? Give his hand a smack. Then up pulls a Cadillac, your baby will be back. Jump right on the side, not too many people sober. Thinking about who gotta get robbed, because the mob got a job for us. They drove us down to the silver section of town where the clowns dare be paying for protection. They want us to send a message to Jimmy the bartender. Lend a friend the money, next year ripping off his car fenders. He's coming up short, cause he snorts coke, dope, nope, and hope he don't get caught. He owes some Benjamin Franklin's every last bit of them. But Jimmy's pockets are empty, so now we gotta get rid of them. But Jimmy's wife is with him and they don't wanna involve her. Hopped out the back seat, they gave me a revolver. Blast you, distract him, while I go and whack him. Out of the bar and then attacked him. He's screaming for his life, reaching for his wife. Shot him in the back of the head and jigged him with a knife. And that goes for anybody that gotta pay their dues. You lose, cause I got the ill street blues. You lose, cause I got the ill street blues. You lose, cause I got the ill street blues. You lose, cause I got the ill street blues. town is full of cops and robbers. You're not promised tomorrow in this little shop of horrors. So I got to get with the business and hit quick. Money grips pockets looking thick, so I stick slick. Hold it right there, here's an ear, I know you got the loot. Or better yet, face down on the ground, empty your pockets too. Hit the deck, I got the check right on your neck. And I expect to make a bucks to heck with a travel's check. But if a Vic tries to joke me, I'll have to smoke him like I'm Smokey the Bear. So okie dokie, goodbye, a boy voyage, have a good journey. Don't even try begging for your life, that don't concern me. So to the next weasel that freezes, you're begging and you're pleasing. Only getting you closer to meeting Jesus. Yeah, I shake a schmuck just to make a buck. Then I break a duck, and if the duck gotta give up, then I don't give a fuck. Hyper as a sniper, piping niggas like a plumber. Cold figuring and sticking up the ones that run the numbers. Or even a bigger score, the lady in the liquor store. Go inside, they kicking the door. Pull her, then I'm sticking it for money or your life, honey. Hurry and choose, but you lose. Because I got the ill street blues. You lose. Because I got the ill street blues. You lose. Because I got the ill street blues. You lose. Because I got the ill street blues. You lose. Because I got the ill street blues. Extra, extra, read all about it in the papers. The boss tried to rape us, so we tossed him off the skyscraper. Because he brought us some other people to come and hit us. Get us, but none of them did us. He must be trying to kill us. But that's dead, I'm fake, got in the red. Crossed the red borders, cross nobody can short us. We fled down the headquarters, ready to put some work. We're not a lazy crew, I do a job or two. But yo, my man can't even stick me with some crazy glue. Ready to tour and even more because he's soaring. We took out all his lookouts out the front and kicked his door in. What's up, Snake? Why'd you violate? They called him a hot sauce. What's that? Yo, that's a pick that don't fly straight. Getting ready to jab him. I grabbed him by the necktie. Homie tried to get fly and swing. I gave him a deck die. You know the evil the men do. Tell us where the men go. We snatched him by his hands and feet and threw him out the window. Up, up, up, in the way, cause I don't play clown. Buck, buck, buck, take that with you on the way down. I'm hoping you got springs and wings on your shoes. But you lose, cause I got the ill street blues. You lose, cause I got the ill street blues. You lose. C'est toujours lourd en deuxième édition, Max au microphone. On vient de s'écouter un bon gros classique intemporel, Hill Street Blues de Kool G Rap and DJ Polo, un morceau extrait de leur album studio Live and Let Die, sorti en 92. La prod est du duo Trackmasters qui établit sa notoriété en partie sur ce titre, et il y a un sample de Get Out My Life, un morceau de Joe Williams de 1966 qui était aussi utilisé par Funk Dubious, Supreme NTM, Scratch Connection, Main Source ou encore Bismarcky. C'est un morceau vraiment excellent sur lequel je reviens assez souvent. Juste avant, c'était Rome Streets et Conducteur Williams avec le morceau Ricky Bobby featuring Method Man, sorti en 2025. Conducteur Williams, c'est un des meilleurs producteurs de ces dernières années. Il s'est fait connaître notamment avec les artistes du label Griselda comme Westside Gunn ou Mac Homie. Il a également signé des morceaux pour J. Cole ou Tyler, the Creator. Ce track est extrait du dernier album de Rome Streets, Trainspotting. En parlant de Griselda, on a aussi écouté Johnny's P. Kady de Benny the Butcher et Amherst Station 3 de Westside Gunn. Westside Gunn est le gérant du label et Benny est son cousin. Il y a aussi Conway the Machine qui est le demi-frère de Westside Gunn et Daringer, le producteur maison, j'espère que vous suivez. Le label a été créé en 2012 et il est distribué depuis 2017 par Shady Records, le label fondé par Eminem et son manager. Sur Griselda, il y a notamment des artistes comme Baldy James, Armani César et Rome Streets. Et de mon point de vue, c'est vraiment le label qui survole le rap américain depuis une bonne dizaine d'années. On avait débuté la séquence avec Thousand Miles Stare de Rock Marciano, une prod superbe signée par Nicholas Craven, dont je vous ai déjà parlé dans la première émission, et encore un morceau qu'on peut écouter facilement en boucle. Big up à ces deux artistes qui donnent vraiment un coup de frais au rap East Coast depuis pas mal de temps. Yeah, yeah. Oh, he want that, Callie, yeah, yeah, yeah. He want my number, had to hit him with the fantasizing, got him fiending for this. Thick thighs, got him busting out the jeans. Yeah, real dope vibe, turn these niggas into fiends. Yeah, I like them nasty, Bad bitch, having cake, let him eat it for lunch. Make a movie on the dick, I'ma film my stunts. And you can have that nigga back soon as I get done. Ooh, freak nasty, these bitches won't at me. Stump a bitch head, even though I keep it classy. Bitches look impressed because I'm cute, they wanna bash me. Can't argue about a nigga who like bitches with a fatty. Can I pose? post you on my page. Mm-mm. Spend a night at my place. Mm-mm. Call a broke nigga bae. He gon' do just what I say. Don't you know I'm that bitch, nigga? You wanna hit, well I need trips, nigga. New crib, rich nigga, it ain't shit to him. STKO Chanel, I'm a big spender, big tipper. Go yard, chrome heart tag, yeah. Chanel number 9s with the shoes to match. Make the neighbors call Peter when he beat up the cat. We gon' fuck in different angles, but my favorite the back. Bougie bitch still screaming, where the hood niggas at? Yay, Nike Tech fitted with the tech in his lap. Left hand on the wheel, right hand on the cat. Got a nigga out west, tell him bring in the pack. I need 200 for this occasion. Fuck you calling me your girl and we ain't dating. He been tryna fuck for months and still waiting. I told him just like his money, I can't save it. Can I post you on my page? Mm-mm. Spend a night at my place. Mm-mm. Call a broke nigga bae. Mm-mm. He gon' do just what I say. Mm-hmm. Can I post you on my page? Mm-mm. Spend a night at my place. Mm-mm. Call a broke nigga bae. Mm-mm. He gon' do just what I say. Mm-mm. Mm-mm. It's a whole lot of money in this motherfucker. It's a whole lot of money in this motherfucker. Ain't gon' keep me run no broke shit, that broke shit get old. Ain't gon' keep me run no hoe shit, these hoes get too bold. I'm allergic to that no shit, my wrist game on cold. I might pick my coupe white just to match with my toes. Yeah, I can't wear the shit you bitches wear because it's cheap to me. It's some money at my table, grab a seat with me. Cost a ticket just to cover all my legal fees. I don't hang with jealous bitches, that's a weak disease. Hold on, run up. If you're broken in my business, then just shut up. I invested in my body, bitch, I'm done up. I look good, I like to fuck, I'm when the sun up. I put on my jewelry just to go to the bodega. And I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega. Bitch, I'm getting money, give a fuck about a hater. It's a whole lot of money in this motherfucker. Ain't gon' keep me run no broke shit, that broke shit get old. Ain't gon' keep me run no hoe shit, these hoes get too bold. I'm allergic to that no shit, my wrist game on cold. I might pick my coupe white just to match with my toes. White on white Bentley, trunk got the engine. Ho tryna get near me, bitch, stay up out my mansion. Breaking bag got plenty, 20 racks and Fendi. Got time for these messy hoes in my business, I ain't with it. Got right now, not next, need M's all on my checks. Don't worry about who I text, just know it ain't my ex. Lot of rich niggas in here, no bitch niggas in here. When the pack landed, the check cleared, and this what you hear. I put on my jewelry just to go to the bodega. And I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega. Bitch, I'm getting money, give a fuck about a hater. It's a whole lot of money in this motherfucker. Ain't gon' keep me run no broke shit, that broke shit get old. Ain't gon' keep me run no hoe shit, these hoes get too bold. I'm allergic to that no shit, my wrist game on cold. I might pick my coupe white just to match with my toes. Charlie? Bueno. She want a picture with Tommy. You know she covering the country. She doesn't afford Tommy. She can't afford Tommy. You pay the bill like you want me. You fly me out like you found me. Can't find another girl, tell me. Can't find another girl, Tommy. She wanna know who's Tommy. Who's this girl, Tommy? She wanna know who's Tommy. All these bitches get off me. Nobody fuck with Tommy. Nobody talk like Tommy. Nobody walk like Tommy. All these bitches get off of me. You know I wear her figure. You know I stare when you wear her. You know she hit me, you know that. You know she did me, you know that. I got a gun, Tommy. My dogs are running for me. I don't need you, nah. I don't need you, nah. This is my song, Tommy. Who made a beat, Charlie? What do you want of me? What do you need, Tommy? We got a moment like baby. We in this church. God, you saved me. I do not fuck with you, baby. I don't know who you are lately. We got a moment like baby. We in this church, save me. I do not fuck with you, baby. I don't know who you are lately. We got a moment like baby. We in this church, like save me. I do not fuck with you, baby. I don't know who you are lately. She changed her name, Tommy. She got no game, mommy. She look the same. She look the same. She changed her name, Tommy. She got no game. She look the same. She look the same. Why do you think I'm weak? Why do you turn the cheek? Why do you follow me? But boy, can you swallow me? She want a picture with Tommy. You know she come from the country. She drive a Ford, Tommy. She can't afford Tommy. You pay the bill like you want me. You fly me out like you found me. Can't find another girl, tell me. Can't find another girl, Tommy. Y'all a picture. Fox pimp hard, just quiet like a whisper. Don't get it mixed up. Bad little sister. Not bad meaning bad, but bad meaning good. Damn, I'm so hood. You should see me in them jeans. It's hard to describe. And being cocky's just a part of my vibe. I might stop the holler and pop my collar. Maybe a little conceited, but that's always needed. Love attention when I'm passing by. See, I show a little cleavage, then I catch his eye. Just the thought of a meeting, I was outside soaking. Duke standing loking, mouth wide open. I walked over, licking my lips and adjusting my hips and switching my hip. He threw his hand on my waist, looked in my face and said he wanna know how I taste. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. Now just imagine me nude, stretched out. I'll be all over the news if this gets out. So that the press might ban me. Now how bad you wanna know if I'm sweeter than candy? What would you risk? Would you put up the car? Taste my nana in the rain? Or the foot of your car? Or the back of the plane? It's all out. Bent over the sink with my panties in your mouth. With my dark skin complexion steps in. Won't take no questions to get him. And the thought of Fox give him an erection. To get real stiff at the sight of my thoughts. And we can role play. You be the pilot, I be the stewardess. Boy, I ain't new to this. When I lay on my stomach or throw my legs back, I probably won't know how to act. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. So dance with me. I taste just like candy. Like a candy corn, I'm in your thoughts late night when your boys are gone. Picture me, t-shirt, no panties on. Or maybe topless, homie, I'm priceless. Why? The kind of girl that love to talk. Especially when I'm on top, the whole show stop. Even though I'm sweet, ain't nothing sweet. Let me know when you're ready to eat. I taste just like candy. So dance with me, I taste just like candy. So dance with me, I taste just like candy. So dance with me, I taste just like candy. So dance with me. as well let that go. He feeling a pimp, he know bitches still in the drip. He know that these niggas gon' hate. He know that you want him cause you know he fucking with me. And bitch, he ain't taking the bait. Make no mistake, just as I'm cute in this bitch, don't mean I won't run in your shit. Yeah, smoke, whenever the hoe see me out, she already know what I'm on. Flip-flop hoes acting fake, I'm a chip-chop. Say she don't know me, she fearing that on TikTok. Bitch, stop thinking you ass should've been quiet. Can't get your hoe back cause he with a pimp now. No dick, can't make me argue with no bitch. Same nigga dogging you out, getting ghosted. Hoes running to see what I posted. Getting a tan with my feet by the ocean. It's whatever, it look this good? Nah, highly doubt it. Real life IG, all the real bad bitches follow me. Locked up, been through a waiting key, niggas still stalking me. Aye, out of sight, but still on you hoes mind. Disappear, then I pop out, mo fine. Holding my own way, fuck a cosign. Me against everybody, on the front line. Who they compare to me? If they say the hoe hot, then she better be. If she write on shit, then we finna see. Niggas know that my pen never out of ink. I love when I hear that a bitch don't like me. Stalk my IG, this pretty face on her FYP. Been done with it, but the bitch still type in. Keep going, cause that shit hype me. Hanging with ops, you a chop. Do your thing, but that ain't how I rock. You hoes don't appreciate loyalty. I don't act funny, bitch, I act accordingly. It's whatever, oh, yeah. It's whenever, bitch. What's up? It's whatever, oh, yeah. It's whenever, bitch. It's whatever, oh, yeah. Vous écoutez toujours Lourd, deuxième émission. À l'instant, on a écouté Whenever de Megan Thee Stallion, une des meilleures rappeuses de ces dernières années. Sur ce track, extrait d'un album à venir et produit par Bankroll Gardit et Sean Jarrett, il y a un sample très lourd du morceau It's Whatever, un hit underground de Mrs. Cherry sorti en 2004. C'est de manière tout à fait réfléchie que ce sample a été choisi par Megan Thee Stallion, qui a contacté elle-même Miss Cherry, une rappeuse d'Atlanta, qui a plus tard participé à une émission de télé-réalité Miss Rap Suprême sur VH1 avec MC Search et Yo-Yo, ça c'est pour l'anecdote. En tout cas, je trouve que ça illustre assez bien la puissance du sampling au sein du hip-hop, qui est non seulement une méthode de production, mais aussi une façon de construire des liens entre les époques et entre les générations et entre les genres musicaux. Juste avant, c'était le classique Candy de Foxy Brown featuring Kelis, produit par les Neptunes, c'est sorti en 2001 sur son troisième album Broken Silence. C'était son dernier album à succès, hein, même si elle a tenté un bref comeback en 2008. Il y a toujours le fameux Il Nana 2 qui n'est finalement jamais sorti en 2003 en raison de sombres histoires de coucherie et de maisons de disques. On a aussi écouté Tommy de Tommy Genesis, un morceau sorti en 2017, extrait de son album World Vision. C'est un track produit par Charlie Heath, un producteur de l'équipe de producteurs de Kanye West, qui s'est fait notamment connaître pour plusieurs morceaux de l'album Life of Pablo l'année précédente. Tommy, c'est une personne qui est moitié tamoule, moitié suédoise, basée à Vancouver, mais un temps signée sur le label Awful d'Atlanta. Son dernier album Genesis est sorti récemment et ça a viré assez pop, je trouve. Juste avant, c'était World Lotta Money de Bia, extrait de son EP For Certain, sorti en 2020. C'est produit par les jeunes Beat Gods et Romano, accompagnés du plus vétéran London Jay. Et Bia, qui a des origines portoricaines et italiennes, a sorti un album récemment intitulé Bianca. Mais elle avait été repérée dès 2014 par un certain Pharrell Williams. On avait commencé cette séquence avec Mm-hmm de Kali, avec 3i, avec ici en featuring et à la production Etiel Jacob, un producteur d'Atlanta, connu pour des morceaux de Future et Nicki Minaj notamment. Ce morceau est sorti en 2021 alors que Kali avait seulement 21 ans et c'est présent sur son album Toxic Chocolate sorti en 2023. Je la trouve vraiment très douée, je pense qu'on va en réentendre parler bientôt. Stop. plus. Lève la main. Pendant la graine, prends en plein pot. J'passe par là, micro branché, mais qu'est-ce qui se passe? Peu d'espace, ceux qui connaissent, laisse pas sans finesse. Lâche pas, slash pas, il faut qu'ils reconnaissent. La secrète connect, n'est-ce pas? Lève la main, ça se passe ici ce soir. T'es pas venu pour t'asseoir, on raconte pas d'histoire. T'inquiète pas, tu donnes le mic et on lâche pas. J'pars là, cut, envoie un son qui défonce. Que personne tue, ça enfonce. Question sans réponse, on annonce la couleur. Donc le son est fouleur, fait tout trembler sous l'heure. Pied provoque la douleur, c'est l'heure. Top chrono, tu sens la chaleur. Origine NAL, t'inquiète, demande à cut killer. Eh, hey, c'est qui fait la soirée? Ah, de toute façon, on s'en fout. Laisse-nous rentrer, vas-y, pousse toi. Disjoncté, le joint que je me suis concocté, okay. Serein, dans la poche surin, prêt à riposter. Sur un truc, une fois entré, j'ai repéré deux trois beautés, okay. Histoire de montrer, dans le ghetto, je suis à mes côtés, okay. Le DJ se la donne, mais un rigolo vient de monter. J'ai pas de Smith et Wesson, son petit cul, je crois que je vais le voter. Eh, hey, monsieur le DJ, coupe la zig, je veux me présenter. Ici Rimka du 113, bande d'enfoirés. En vol dernier, ma flaque un free, style le gros voyou. Un bon son racailleux, agressif, ça vient de chez nous. Pas d'embrouille à la con, je t'en prie, gros, je te coquin. Ou sur vous, on resserre les cordes sur vos coups. En gros, si à notre table, gros stone. Je peux pas danser, quelques mouvements de la tête pour lui dire que j'ai apprécié. Derrière c'est MK2, le DJ, je sais pas qui c'est. Au loin je vois trop, mais peu importe, il s'est mixé. Pour le track c'était mentionné, ambiance assurée. Heureusement que ça l'a fait, sinon j'aurais tout cassé. Ainsi que ses 10 doigts, ouais, je les aurais tous brisés. Comme ça, ça lui apprendra. Quand chaud faut le préparer, comme moi et mes tarés. Quand on sort, toujours carré. Surtout fais pas le malin, on va te faire une tête au carré. Quand on va te coller, tu seras moche pour accoler. Appelle la sécurité, on aura déjà décollé. M'éclater en soirée, je sors en soirée. Même si ça part en couille, quel qu'en soit le DJ. Évalue ce qu'on popo avant ou taille. Quand le DJ à la cote, lève la meuf en pagaille. Ça rameute la racaille, comme des mouches sur la caille. Pour un rien se bataille, quand les meufs ça se taille, y'a trop de rataille. Vaille, vaille, vaille, tra la maille. En balle, trop de meutes de chiens de chacal. Je déguise pour le DJ, official. Une paire de pompes, une veste et puis c'est légal. C'est légal, camouflé, déjà pété comme un trou de balle. C'est moi qui régale, faut que tu te régales. Quand y'en a pour un, y'a pour toute la salle. Ce qui m'importe, c'est que peu importe la face. Faut qu'on m'ouvre les portes sans me faire de chichi façon façon. Hugo top, double H en action, c'est du Rasta. La même fuite, la même fuite, la même fuite, dégage. T'inquiète, je sais très bien que je fais mon job à plein temps. Flex mortel. Quand flex tablette sortie, contrôle amorti de la phase shoot dans les orties. Flex gestion, accumulation de phase par centaines depuis 1940. Tonnes et tonnes de torticolis, mets ton mic comme Oli. Flex baba comme Ali, tout se rallie. À mon mouvement, même si on sait que le mouvement, lentement mais sûrement, mais surtout hip hop m'en parlant. Represent 100% authentique. 9-3-800, 9-3-200 pour mes frères 200. Tu sais déjà, l'attente était longue. Fallait avoir l'âme tronche, être fort comme King Kong. Morale de Vietcong, être sûr de soi. Arrêter de croire dans le ventre. Souvent les gens jactent en soulevant des choses. Et où que ce soit, faire les choses à fond. Vivre l'instant présent. Serrer une goal à quelle s'apercevoir qu'elle a 16 ans. Wow, putain t'as pas peur. Ouais, mais j'suis pas pédo. Parlons d'autre chose. Et pour que t'ose, fais tourner le pédo. Tu me fais toi. Non, mais c'est pour la rime et le style. J'veux être un vrai bad boy hostile qu'on respecte dans la ville. Et sinon t'as l'air costaud quand même. Bien sûr, j'fais du sport. J'suis toujours en train de courir à fond dans les transports. Alors maintenant, faut qu'à chaque fois que tu me crois, tu comprennes que j'ai pas le temps. Parce que j'fais mon job à plein temps. Ouais, c'est vrai, j'fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, j'fais mon job à plein temps. Tu sais, j'fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que j'ai marqué mon territoire, ma place, mon siège pour 9-8. Le 9-3, la même cuite, la même fuite. De gaz, on n'était pas de Thomas, c'est bien vite. Voir comment on fait de la peu bon, de la bonne venant d'orgement. Les meufs disent mon sucre d'orge, mon bouche pop. Ça monte jusqu'à leur soutien-gorge, mon dieu, où stop. Ah, voilà du vrai hip-hop. Tu le sais, de la phase basée sur des thèmes sensés. Tu sais que c'est censé être un sens interdit pour les sous-doués. Trop doué, tu sais d'où est venu mon aspiration. D'où es-tu pour ne pas avoir capté ma section. Tu sexion, sexiton, on active le piston, piston. Père te pardonner, toi son unique fiston. Ma satisfaction, ma paye, c'est que tu sois content, que tu prennes du bon temps. Surtout si chèque ça fait longtemps. Donc kiff, me respecte et n'oublie jamais mon grand. Que si aujourd'hui je pèse, c'est que je fais mon job à plein temps. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, je fais mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. 24 sur 24, mon grand, j'fais mon job à plein temps. C'est vrai, j'fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, j'fais mon job à plein temps. Tu sais, j'fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que dans le milieu, on sait qui j'suis, ouais. On sait ce que j'fais, on sait que ma répute dépasse les frontières. Frère, c'est affreux, t'as fouté des fronts pleins de sueur. Sauter à des frappes, spritées et ensuite pleurer. De rage? Non, de douleur, t'as vu ma couleur. Si on voit un bleu sur moi, c'est que le mec y a été de bon cœur. En plus, j'suis pas assuré contre les coups et blessures. J'roule avec le barbale pour pas se faire trouer, c'est sûr. Et si les gens savaient les risques que j'prends pour leur faire plaisir, ils pourraient au moins dire merci une fois. Un peu de reconnaissance, tu sais, ça fait pas de mal parfois. Mais en même temps, je vous dis que c'est de la balcon. Les gens s'aperçoivent que Bustaflex fait son putain de job à plein temps. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, je fais mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. 24 sur 24, mon grand, je fais mon job à plein temps. C'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, je fais mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que. Thank you. Mamie va compte sur moi, la clique compte sur moi. J'ai trop causé de peine, goûté à trop d'échecs d'embarras. J'ai plutôt à perdre, chacun pour sa route comme il peut. La main est tracée, je peux de blé, mais des envies de percer, de m'élever, d'H-flow, sortir de la mêlée, lutter. Montre au monde entier, je ne nous mag peu. Il y aura mon paradis si l'enfer se trouve, si j'ai trouvé ma vie, ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retienne. J'ai choisi mon chemin, plus rien me freine. Le rare mon paradis, il en fait se trouver. Si j'ai trouvé ma vie, ma voix, l'issue pour chanter d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retienne. J'ai choisi mon chemin, plus rien me freine. Vision du paradis, moi ma vie quand j'étais petit. Sans un sou dans les poches, sans des prisonniers d'Athésie. Une mauvaise graine en durcie qui perdait son temps à traîner. J'étais repéré, maintenant je dévierai mon CD. Ça c'est mon truc, ma chose, mon guide, ma clause. Mon contrat moral, ma cause. Je la défends à coups de prose. Dès l'époque où je commençais, mes potes me disaient: n'est-ce pas l'affaire, c'est notre frère qui fait quelque chose de bien. J'ai suivi les bons coups, j'ai fui les mauvais coups. 17 ans à présent, un bel avenir et un peu. Le rap ou paradis, si l'enfer se trouve, si j'ai trouvé ma vie, ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin pour rien me freiner. Le rap ou paradis, si l'enfer se trouve, si j'ai trouvé ma vie, ma voix, l'issue pour sortir d'où je suis. Y'a pas grand chose qui me retient. J'ai choisi mon chemin, plus y'a me freine. Le rap au paradis, paradis. Yo, vous sortir le smerdi, écoute ça. Bouddha pour les vrais gars. Ma clique à section camouflage, moi un love. Yo, paradis. This is how it should be done. C'est comme un retour en arrière. Une histoire qui se répète 100 fois avant que tu t'en imprègnes. Peine à croire que l'enfant que t'as vu naître puisse grandir. Des mères pleines d'une arrogance incontrôlée. Je veux dire sans insolence, isolé comme je l'étais. Dur de faire l'ignorant, exprès. Je m'aligne dans le rang de ceux qui vont contre l'indifférence. Chiffré de nos jours en franc, une défense, l'offensive. L'esquive est peine perdue, obstiné comme je le suis. Et loin d'avoir perdu la raison, j'ai pris une trajectoire bien définie. Un exutoire pour les uns, j'en tiens compte bien sûr. Sereinement cher la ceinture. Si tout va bien, même avec mon teint bronzé, je sortirai de mes songes. Rongé par l'adversité, si tu savais à quel point ça me démange. Excité, réqualité de savoir qu'il y en a qui vont payer. Ce qui les dérange, c'est de nous sentir arriver. Écho et sans deck arrive, la rage grimpe, active. Je crois que ça grince, prends la balle au bon. Remue ce couteau dans la plaie, faut qu'ils aient peur de l'intention. Sinon, on en revient toujours au même. Je parle sans blesser ceux que j'aime et les autres rien à foutre. Je dis bien, je parle suffisamment pour que les imposteurs se sentent visés. Tous ces enculés que je considère de l'autre côté de la barrière. Si je prends des textes noirs et qui me correspondent, sans aucune touche d'espoir, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? On est en 2000, mon frère, si ça peut te servir de repère. Les mots comme des armes, tombés sous le charme d'un air saturé d'aigreur que les exclus du partage baratinent par cœur. J'ai de quoi avoir la rage derrière, ces quelques paroles crues, indisciplinées et vulgaires. Voilà le fruit de ton intégration en cours, tellement pourri par le temps, pour que les pierres contagieuses des murs des bâtiments façonnent un esprit de vandale, conditionnent cette colère que la France digère mal, qui hérite des tâches ingrates, quand les élus de ma ville méritent des patates. Je rumine ce genre d'écueil sur des musiques douces, dégueule ma dépression et puis les emmerde tous. Simplement, le feu purificateur viendra. C'est ce que la rumeur veut et espère qu'elle aura. On prend les mêmes et on recommence. Selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent. Et si on dansait, et si on valsait sur ton arrogance? On prend les mêmes thèmes, on t'offense. On prend les mêmes et on recommence. Selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent. Et si on dansait, et si on valsait sur ton arrogance? On reprend les mêmes thèmes et on t'offense. Tenu à l'écart et tricard à l'écran. Encore dans les enclaves, en esclave du franc. Je suis l'exclu qui s'exclame, exprime son drame. Son vécu victime avec le vacarme en fond et la déprime en prime. Seuls mes frères comprennent la tragédie de la trajectoire d'une tête à la traîne. Je recherche la victoire et un trône. Du transcène pour mes neurones quand je sonne. Et des balles pour la violence que je prône. Car j'ai des plaies qui impriment par cœur l'aigreur du vaincu et l'air moqueur du vainqueur. Les primates, des brigades et les bribes de brigands qui se prennent pour des caïdes ou des trues en priant. Hors concours, comme la plupart de mes frères dans les remparts, la rancœur est mon recours. J'ai des tares et des torts, j'en ai des tonnes et des tonnes. Et c'est mon folklore d'exclus que j'entame et chantonne. Je le sais, on se fait à peu près à tout, hein. En raisonnant bien, l'essentiel on le détient. Au moins de quoi crever debout. Le cap c'est que je m'égare pas. Quand t'es pote avec tout le monde, t'es pote avec personne, crois pas. Tant qu'ils joueront avec nos vies, pire qu'ils se méfient de mon sourire et de mes vœux pour leurs années à venir. La rage dans l'art, de la rage à contenir. Des banlieusards en marge, avec un savoir à détruire. Et si le rap aliène les cerveaux, j'ai préféré prévenir. Fêter aucune putain de victoire trop tôt et faire mon taf bien comme il faut. Pour que tu ne puisses jamais parler de zik devant ma gueule, Charlot. Doing damage, casser la rumeur. T'as des partenaires sérieux, de quoi fermer des gueules, de quoi penser tout seul, de quoi donner tout ce qu'on veut. Les impatients craquent, tandis que les novices débarquent. La valse des enragés se joue et devine qui a le trac. On prend les mêmes et on recommence. Selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent. Et si on dansait, et si on valsait sur ton arrogance. On prend les mêmes thèmes et on t'offense. On prend les mêmes et on recommence. Selon les mêmes thèmes, ce sont les mêmes qui dansent. Et si on dansait, et si on valsait sur ton arrogance. On reprend les mêmes thèmes et on t'offense. 1, 2001. Kazé, la rumeur, laisse du neuf. Retiens bien. Tout damage. Yo, Lesti, yeah. M.A.D.T. On the track. Lincha. C'était l'époque où les BD faisaient flipper. L'époque où tu devais plaider pour être gracié. Il fallait le team Elfag des frères Gracier. L'époque où fallait avoir 2-3 associés. Protéger tes arrières sans te soucier. Tomber sur un crew de Renoir soucé. L'époque où pas de bagnole, t'es à pied. Pas de maille, pas de tué au bar, gorge serrée. Je le dis, à cette époque, j'étais un cas typique. Un cas pas unique qui voulait kiffer sur la zik. Quitter le train-train basique, comme on abdique, comme on a dit. Vendredi, je refais ma plastique. Ma place vite dans le re-re, c'est la panique. C'était l'époque où fallait 18 piges passer. Réussir à glisser même si t'es moins âgé. Tes papiers ou t'es recalé à l'entrée. Tiens, maman, j'ai kiffé. La nostalgie des nuits passées. Tiens, maman, j'ai kiffé. Tiens, maman, j'ai kiffé. La nostalgie des nuits passées. Tiens, maman, j'ai kiffé. Tiens, maman. Solitaire, pas de ticket, c'est le coup de poker. Rencontrer des leurs sur ma ligne, ça prolifère. Ça pour le faire, je peux dire que je l'ai fait. Courir talon au pied, c'était du plus bel effet. C'était l'époque où être en bande était réputé. L'époque où les crocs venaient pour se clasher. Qui a pété à la gauche qui, tu vois l'idée. Le bitume rejoignait les robes et les costumes. Les embrouilles continuaient sur la piste, ça casse tout. Des coups qui pleuvaient comme dans un cartoon. DJ balance un son pour que ça calme tout. Les troubles faites vider, on prend le que zou. Tiens, maman, j'ai kiffé. La nostalgie des nuits passées. Tiens, maman, j'ai kiffé. Amateur croyait que j'étais pépère dans mon pieu. Je prenais mon pied dans les lieux. Vendredi soir, Free Force Ladies. Fallait voir ce qu'elle faisait comme bêtise. Pour rentrer, chacune pouvait damner son âme. Pour être là, commettre des actes qu'on condamne. C'était l'époque du célibat forcé de force ça. L'époque pour t'amuser, t'étais forcé de faire ça. L'époque où les cailles serraient des gouttes force là. Fallait esquiver qui portait Weston Écosse là. C'était l'époque où je portais jean que c'est un max. L'époque des expériences, j'en ai appris un max. Un max au bon moyen de faire le mur. Un max pour m'en sortir en cas de coup dur. Pour éviter les fréquentations. Fichée, assez aujourd'hui pour pouvoir raconter. Tiens, maman, j'ai kiffé. La nostalgie des nuits passées. Tiens, maman, j'ai kiffé. J'aime ton parfum, parfum, parfum. Vous écoutez toujours Lou en deuxième émission et on vient de se faire une petite séquence de rap francophone. À l'instant, c'était Lady Lesty featuring Lyncha avec Diamant Noir, un de ses morceaux les plus connus tiré de son album Hip Hop Therapy sorti en 2002. Malgré la prod très commerciale R&B, le talent d'écriture et le flow de Lesty sont quand même bien en évidence et rendent le morceau attachant. Lady Lesty s'était fait connaître dès le milieu des années 90 avec notamment le morceau Respect Mon Attitude. Juste avant, c'était Les du Neuf featuring Kazay et Ekwe avec le morceau La Valse des Enragés, extrait de leur premier album Le Temps d'une Vie sorti en 2001. Un bon groupe, un morceau bien solide et engagé avec des featuring classieux, ça s'écoute toujours très très bien aujourd'hui. Avant, c'était Mon Paradis de Raphaël, extrait de la bien connue compilation Hostile Hip Hop Volume 2 sorti en 98. Raphaël, c'était bien sûr un éminent membre de la Clica, aux côtés de Roca, Daddy Lorsi et Kondo. Un flow reconnaissable immédiatement, une façon d'attaquer les mots assez inoubliables qui font que ce morceau, comme tous ceux auxquels il a participé, je m'en lasse pas. Idem pour le classique Je fais mon job à plein temps de Bustaflex qu'on a aussi écouté, un track produit par Zoxy, sage poète de la rue, avec un caméo de Cool Chain, sorti en 98. Bustaflex est un peu un croisement improbable entre Craig Mack et Busta Rhymes en version française, un freestyler de fou qui a réussi à transformer l'essai quand même sur quelques morceaux bien produits comme celui-ci qui est clairement assez indémodable. Et on avait débuté cette séquence avec le morceau Ambiance Assurée sorti en 99 par le Double H DJ Crew, une réunion de 8 DJ français des années 90, Abdel, Pone, Cutty B, Damage, Crazy B, LBR, Mousse, et donc Cut Killer qui était à la prod sur celui-là est accompagné au microphone par Fab 113 et Doudou Masta. Que du lourd donc, et incontournable pour cette émission. Et on a une pensée bien sûr pour East, le MC qui est tragiquement décédé et qui était aux côtés de Cut Killer quand il a débuté son Cut Killer Show sur Radio Nova en 95. Votre serviteur était à l'écoute et c'était bien chaud. Yeah. Hey yo, what's going on, man? Yo, man. Anything is anything, man. Just get that cream mic, man, for Looks real, fresh man. Against my hollow bone. You know what we striving for, man. We got family Looks members. Fresh against my hollow bone. Hey yo. Hey yo, high potency top. Smoke a bag of black and feel a vibe. Born to be wise, be form on the rise. The corner mean five. Horns in disguise, throw on your slides. Young niggas racing, smokers is basing. You seen the eyes laying up. Playing the cut, what? Stay in the truck. Something told me duck. Folded me up, my shoulders struck out of luck. Fuck the potters up. Fell in a daze like a collider snuff. Niggas tried to body me up. I'm in the lobby bleeding. Niggas in the renting office probably eating and sprinting and beefing. When they heard the shots fall of recent and seen Barbara Niece's beast, a nigga shot Shalaw features and shot through his Elises. Bent the spider callers creatures. I'm gagging and flagging the cab down. Guess who in the Benz wagon? Dragging my sound down. Maggin', it was Del Greedy, the greedy, conniving ass snake genie. Cop with a bikini who murdered Charles and Bernini. I'm feeling wheezy and I'm drained from the Chiba grieving. Ain't even looking decent, seeing police niggas reaching. Let's flash against my hollow bones. In the crime scene, speeding, beeping, leaving behind cream. Not even peeping that I was leaking. Won't see the precinct, just got a recent case. Beating still, Jake's a creeping. Don't blow your spot. Skate a weekend, keep the Ruger peeling. Who's squealing? Few knew the dealings. Keep the steel concealed in, cause we got no time for feelings. Eyes on the building, corns are on the corners healing. $1 million block villains plotting on a killing. Feel like a superhero, talking like a true De Niro. They boost his ego, found them broke down, reduced to zero. Cops fill reports, hoping I reveal my source. Source. Let's flash against my hollow bones. That rocks my soul. Outside the check cashing, flashing, dipped in fashion. Five cherry face faggots try to cash in. They keep laughing, go shit get your face bashed in. Who give you these privileges, son? Why you maxing and we? Let's flash against my hollow bones. Feeding the tatoes, move slow. I'm hearing how you broke Ross' nose. And I heard you keep a banging hammer. Golden brass, diamonds, and rotaries that was stolen at you. Haven't reported, G. Make very little noise. My shit hiccup, don't make this big stick up. Big up me and the boys. I thought for a second and chose. Rather than froze. had the gem star in my hand. Yo, what the fuck, yo, that's when I ripped Timothy. Snatched some dip, jump right in back of him. Had the mini axe to him. Faxed him, shots rang off. Bing, boggly dunk. That's flesh against my hollow bones. The sword, it's the best weapon of all. Two sharp edges and a long spine. The blade is very thin, and it's easily damaged. You remember that. The vital thing is the point. Pay special attention to it. Your life could depend on it. Fuck that noise. Hot shit. Be humble, lest I stumble. Never sold a jumbo or cop chicken wings with mumbo sauce. Tyson is a foul holocaust. Hitler gas your whole head up with poultry. I'm fed up. Ignore cordon bleu. Stand up, get up. Lunge for your knife. Don't forget your pot holders. Hot shit. What? These old things? About to throw them away. With the gold rings that make them don't fit like OJ. Usually I take them off with oil or Olay. MCs is crabs in a barrel past the old bay. Hot as hell and it's a cold day in it. Working on a way that we can roll away tinted. Some say the price of holding heat is often too high. You either be in a coffin or you be the new guy. The one that's too fly to eat shoe pie. Never too busy when it comes down to you and I. A lot of niggas wish to die. They need to hold their horses, it's bigger fish to fry. You're on the list, if not, pick a number spot. 10 and a half Tim's is made to kick your bumper clock. Coulda had a V8, F-150 quad cab, but I'll be straight. Money comes and goes like that two-bit hussy that night that tried to rush me. Dwight passed the Dutchie, so I could calm down so they don't get it twisted. Take it from the fireside and won't get blistered. Got it, what happened? Oh, it's not lit. These metal fingers be holding hot shit. When I was 4, I penned God was born in New York. Back in 77, still got Nan in the crescent. The effervescence of God's presence is thick. Unlike vapor, Esther roll, extra roll, word to the baker. Peace to the hard-working gingerbread makers. Looked up and down, said, too much makeup. Poor music taste, 10 years from being grown up. Rappers don't blow up, heads do. My name is Dwight Spitz, I'm a sonic addict. I used to think it was merely a nagging habit. Born under a bad sign, I'm serious about this curse of mine. I strive to flip it into fine wine. Barely born a virgin is what the stars said. Black, not white, red all over though like Elmo. 28 years have passed, I feel I'm peaking. I make music every weekend. It's a chore, a fact of life, a labor of love. I get mad love, but I detest the labor and its wages. You know death, I'm serving life from this gift of God. Don't forget your pot holders, my niggas. Short time later. Like Bigfoot jumping off a spaceship. Planted all the tapes, invaded on some Planet of the Apes shit. All heroes don't wear cape shit. I'm like those who wanna go up in the booth and try shapeshift. Fake shit, they probably need a facelift. Made shifts in the culture when my studio was makeshift. Spit straight piff, that's why I fuck with them cats who pump zips in your hood on some babe shit. Stay low, not no quasis. Cats is weirdos and they wonder why Droog is so evasive. keep shit on a need to know basis. You not finna be the next Peter Oasis. Always knew we would go places since the days when it was nascent. Rhyming in the basement. Which one? Made it here cause I'm patient. Uh-huh. Producers get one placement and start to get complacent. Watch their albums go copper. While Nas landing in my pockets like that old soap opera. Oof. The road drug, I got clear, no vodka. With a little help from my friends Joe Cocker. International show rocker. Out in Norway, Robbie and Corday, we in Osaka. What? Got the nerve to cop an attitude. You'll never achieve nothing of this magnitude, you maggot first, fool. There were the plants. They developed into animals which ate the plants. The animals were small, but they grew. Suka. And the larger animals ate the smaller Vanuche animals. Blood. What does that mean? So far, according to history, each dynasty devises its own end. The animal develops a brain, and the brain destroys the animal. Still a Bastiat one. Rad dudes killing themselves thinking I was God's son. Remember? Crabs in a barrel on my shotgun. Tried to pull me down, but it was them who got done. With their wigs pushed all the way back, twisted. Bet y'all liked it better when I was blacklisted. Wild deep pop without the high tanks. I do real songs with Mad Lib, no Dropbox links. Not even that internet savvy car. Told Tumor they was tuner, this the real rap caviar. Oh, with numbers like Thriller. And only views I bought's the ones in my villa. Something's brutal. This is how it should be done. Brownsville, and it's Star, I rep for you. Brooklyn, I rep every block I ever lived on Hull Street. Lafayette, Decatur Street. Scar life rests in a 45. Aim for the head, chest fortified. Sons look for revenge, out of stress, daughters cry. Gotta do it here, can't afford to try. Thought the gutter ended in a veil, then I saw the sky. They get wet daily, it's alive, nigga, water rides. Slow and steady, win the race, step aside, let the tortoise by. It's the 100 man, street value, 100 grand. Instinct, nothing planned, been through shit you couldn't understand. King, Heck, and DeWan, I'm repping a lifeless weapon of crisis. Run out, I'm stepping in, checking for secondary devices. Live in the real world, fuck. Get love from a real girl. Raise my sister amongst the slime and the crime, now she an ill pearl. You never seen nothing like me, I'm for those who get it on nightly. You need a boost of strength, put it on, recite me. I tore with toast, this drama's always close. Filling the ways, kill the praise, applaud my folks. From the quarter most, raw absorb the quotes. For sure I'm the cure, and it's more than dose. Yeah, I'm from the bottom, but I look forward to gross. In the gutter, some ride, some chill. I'm from the gutter, some style, some feel. No many brothers, some pride, some feel. Word to the mother, some lie, some steal. Some get popped, some die, some heal. Some get knocked, some high, some real. Some even bust shots, some live, some kill. But that's the gutter where condom chill. Slim with the fat pound, back down, most brolic dude. Try to move, hit him in the face, never again taste solid food. Same if I'm in solitude or with the wildest crew. Bulletproof down my coats like ghosts while it's two. I run with a crook or two, look who escaped out Brooklyn Zoo. Fuck that queen, I show you what a knight and a rook do. New York City Bronson, heat up quicker than Vinnie Johnson. The block got bloods now, it's like a mini Compton. To have honey smiling, need money piling. Bundles, bundles, bundles, 100,000. That's why with my gun I'm browsing. On the hottest strip to see who I gotta hit to start running housing. I listen to my id, respect my ego. If I need counsel, bounce through, check my people. The first on earth with the same thirst I accept as equal. Never move a cruise, you lose if they steps beneath you. I rapidly do and beef, might elect a mosquito. From where the bees greet you, do as much dirt as us, but they preach lethal. The block is class, the blast from the heat teach you. Get one lesson, fail. Oh well, the streets keep you. Pat his jeans, one magazine, she sleep you. In the gutter, some ride, some chill. I'm from the gutter, some style, some feel. No many brothers, some pride, some feel. Word to the mother, some lie, some steal. Some get popped, some die, some heal. Some get knocked, some high, some real. Some even bust shots, some live, some kill. But that's the gutter where condom chill. Iron body, every nigga. Never carried a shoddy, forced to grow up quick. Never sat on a potty, went from crawl to run. We want all or none. Being fatherless, bothered to say, body, we called them son. Block scholastic, selling chips from the rock Jurassic. For heavy glory, marked territory, far riding casket. Thought our young committee was gonna run the city. One fear's being unprepared, so I brung the smitty. If you dare come and get me, I'm from royalty. I represent myself, don't need no lawyer fee. People call on me, cause I'm ready when it's urgent. Too much grace to tremble, hand steady as a surgeon. Ma liberté, la vie m'est décroche pas, pas l'impression qu'elle soit si fair play. Irréprochable depuis les prémices, personne m'a acheté de pièces comme dans la fontaine de Trévis. Très à l'aise, j'ai comme une sorte de fusil mitrailleur qui trône près de la lèvre. Fallait tout ce temps pour capter que c'est la confiance en soi qui prévalait. Journée à me battre contre les secondes, ça explose de partout, je reste propre sur WAM comme James Bond. Tu captes. Mes sens sont comme figés, pas de tutoriel de dropshipping, non, je fais confiance à mes propres idées. Yes. Le slogan mon gros c'est get money. Toi tu te prends pas en main comme un vieux test Covid et je reste poli. Yann Tiersen sur l'île de Molène, je révise mes gammes, je mérite mes applaudissements, l'intégrité n'est pas disquettable. En guise de projet, je te sers du caviar millésime. Bien sûr que je kiffe les chiffres, je trace ma route même si au final c'est peut-être Dieu qui décide. Tu me domptes pas comme Tamagotchi, je pose mon couplet, je décale à gauche. Doué dans ce truc, c'est pas ma faute. J'emmerde tous ceux qui se la racontent. Si tu me stresses trop, je pédave un gros spliff. Je t'observe couler avec le sourire de Ryan Gosling. Des OCH, j'ai dû en gâcher 500. Mais j'ai pas honte de le dire, ce serait bête de vouloir me casser maintenant. Ma quête de l'album, je fais rien d'autre à part écrémer. Faut péter le plafond de verre, des tas de concerts, en avoir marre d'être aimé. Pas dans la tendance, comme dirait Ahmed Coma. Revanchard comme un ex-dollar, la dalle de 4 estomacs. Encore une sélection en tant que capitaine. Leurs manières sont outrageuses, pourtant la dignité ça coûte pas si cher. C'est gratos. J'enchaîne sur mon couplet, yes I coffre tout ça. Hey. Trappe le mic et comme ton père j'radote. Cognac dans une tasse, c'est pas de la bergamote. Ta weed c'est pas du gaz, c'est juste un excès d'azote. Tu me fais d'expert, tu gaz. Pendant ce temps-là, ta femme se fait clap, ses escalopes. J'envoie de la logorée à gogo, logo doré brodé sur le jogo. Smoke comme smogo, tire une taf sur mon dolé. Tu vas doler, bois une gorgée sur mon sprite, tu vas dodo. Même si envoie d'extinction comme les dodos. Au 17ème siècle, hey, j'suis là, j'smoke sur mon joko. Si j'suis au 7ème siècle, smoke. Plumage égal au ramage. J'arrive plus, j'ai char que les trois rois mages. J'ai l'impression de marcher sur un jeu d'échecs. La folie du quotidien m'éloigne des vieux préceptes. J'deviens monstrueux comme la bœuf que j'fais sel. Cognac dans le revêt sec, augmente les degrés Celsius. C'est Fahrenheit, j'enflamme les mics. T'es dans un coin, tu regardes tes Nike. Jack, j'catch des flights. Les gros rageux démarrent les fights. Mais dites comme Siddhartha dans la tanière. Frank Sinatra, j'peux dire que j'l'ai fait à ma manière. Escalade la barrière, j'fais la courte échelle à ma cavalière. Pique-nique dans le parc, champagne dans la glacière. Hey Ralph, j'ai quelques pièces rares. J'garde le smile comme mon gars va Jojo à l'époque des Yescar. Comate sur moi, ils ont des escars. J'préfère sauter dans le vide que de m'accrocher au désespoir. Au final, la vie se facilite. Genève, croise-moi chez Philippe ou à la brasserie libre. Chaque texte est précieux comme un litron d'or. Rappeur bipolaire, avec une mentale de serpentard et un cœur de griffon d'or. Y'a beaucoup de choses qui passent après mon petit confort. J'avais mal encore le système de la monnaie. C'est quoi ta monnaie? Par exemple, si tu veux quelque chose, tu peux pas l'avoir sans monnaie. Même à manger? Surtout! Mais enfin, manger, c'est un besoin, ça, on meurt si on mange pas. Ça, ils s'en foutent, t'as pas de monnaie, t'as rien! Vous écoutez Lourd, deuxième émission. À l'instant, on vient d'écouter Kerwave featuring Jungle Jack avec le morceau Logo Doré, extrait de son album Record sorti il y a peu. La prod est signée VG Many Days. Alors, Kerwave, c'est un rappeur de Quimper et précédemment, il formait le duo Fix Pencil avec VG justement. Les deux ont bien roulé leur boss et ce morceau en est la preuve. Le texte est bien troussé, l'instru efficace et le featuring de Jungle Jack qui tombe très bien, comme souvent. Justement, c'était Firehouse du légendaire Jay-Z avec le non moins inoubliable K, tragiquement disparu fin 2024, et dont je vous recommande absolument tous les disques. La prod de ce Firehouse, sorti en 2008, est signée Rock Marciano, rien que ça. Et ce qui est superbe, c'est que Jay-Z a laissé K complètement s'exprimer, il lui laisse quasiment tout le morceau, il le valide. Et ça, pour un artiste comme K qui a beaucoup galéré depuis ses débuts dans les années 90, c'était vraiment un cadeau magnifique. On a aussi écouté The Return of Sasquatch de Madlib et Your Old Drug, une autre rencontre au sommet entre deux grands noms du rap US. C'est extrait du premier album de Your Old Drug sorti en 2017. Je vous ai déjà parlé de Your Old Drug dans la dernière émission. Et Madlib, il est absolument partout depuis 25 ans. Il poursuit actuellement une trilogie aux côtés de Freddie Gibbs, dont je vous reparlerai sans doute. Et puis tant qu'à faire, on s'est aussi fait un bon vieux classique de MF Doom, Potholder, sorti en 2003 sur l'album Food. Le track est produit et comprend un featuring de Kam Bazdi. Alors MF Doom, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est une des plus belles carrières du rap des 30 dernières années, et il nous manque beaucoup depuis sa disparition en 2020. Mais Kam Bazdi est aussi un rappeur et producteur à la carrière d'anthologie, puisqu'il a commencé au milieu des années 90 avec un style bien à lui, très organique, et il sort toujours du son, vous pouvez aller le checker sur la plateforme Bandcamp. Et on avait commencé cette séquence avec Hollow Bones du Wu-Tang Clan, tiré de leur album The W, sorti en 2000 et produit par Reze, bien sûr. Clairement pas le morceau le plus connu du Wu-Tang Clan, mais je suis retombé dessus récemment, je me suis dit que ça tapait bien quand même. Et les interventions successives de Raekwon, Inspecta Deck et Ghostface Killah sont mémorables, et le sample de Is It Because I'm Black de Syl Johnson est totalement magique. On balle sa pété, vent out ou pendant ou cas chill. En tête en moins ça démoniaque, nous de tout moins mille. Mamzelle la bonne, il a fait effort, il a tchène à la ligne. En hiver et ville, en défoncé, nous catchine à la ligne. On balle sa pété, vent out ou pendant ou cas chill. En tête en moins ça démoniaque, nous de tout moins mille. Mamzelle la bonne, il a fait effort, il a tchène à la ligne. En hiver et ville, en défoncé, nous catchine à la ligne. En défoncé, en hiver et ville, nous catchine à la ligne. Mauvaise réalité, réalité l'arrête, considère discipline. Yo méchant dans clip à yo, mais c'est des vraies victimes. A pas qu'à mélanger moi, even n'importe qui team. Honey weed, honey shit, honey crack. En debout à 6h du mat. Figuil intact, mais quel animac. On part ou à gauche, on part ou à droite. Animatos pour yo chac. Haka flopé en. Haka flopé en big fac. On balle sa pété, vent out ou pendant ou cas chill. En tête en moins, ça démoniaque, nous de tout moins mille. Mamzelle la bonne, il a fait effort, il a tchène à la ligne. En hiver et ville, en défoncé, nous catchine à la ligne. On balle sa pété, vent out ou pendant ou cas chill. En tête en moins, ça démoniaque, nous de tout moins mille. Mamzelle la bonne, il a fait effort, il a tchène à la ligne. En hiver et ville, en défoncé, nous catchine à la ligne. Chaque semaine t'as essayé faire plus l'argent. Moi pas tout seul, tout gang l'an qu'a fait l'osé. Faut pas au jaloux, pas ce temps de m'en fait ta main. Dis-le, yo t'es là, mais dis-le, moi t'es tout seul. Chaque semaine t'as essayé faire plus l'argent. Moi pas tout seul, tout gang l'an qu'a fait l'osé. Faut pas au jaloux, pas ce temps de m'en fait ta main. Dis-le, yo t'es là, mais dis-le, moi t'es tout seul. Si maintenant pis belle, si on fait tout bénef là. On savent bien c'est qu'à bit, mais qui qu'a fait bef là. Donc dis-le au gros, si c'est même en y ref là. Beaucoup moins peut pas contenter quand il reste là. Et ni longtemps, pas qu'à voler moun. Moi c'est un trafic, quand ça m'en besoin, c'est mul. Moi qu'à ouais, c'est un tête trap avec des clowns. Fuck yo, fait call, poupé, ça acheté bulle. Bitch là, ouais, comme un glow up. Combien on se constate, en cas flexing, qu'on goût up. Moi les morts et puis l'agent. Quoi, pété qui fait l'agent, ben pété qui fait trap. Moi les mêmes contenants qui fait des erreurs. Et même si moi poursuivi par les faits zéro. Ou 10 mois, on fait un les raids. Dis qu'on s'appelle vrai, moi en mode à tes beaux. Moi m'en toujours qu'à fait ça, moi m'en des zoulous, nous c'est des necks qui n'y talent. Moi m'en échoué que m'en baille des câlins, mes livraisons pour faire tant que check les talents. C'est tant ça pour gars focus, m'en peut pas faire les mêmes erreurs à qui Franklin. M'en vini méchant qu'on heureux, c'est m'en peut pas finir en chien qu'on les anciens. Chaque semaine qu'a essayé faire plus l'argent, m'en pas tout seul, tout gang blanc qu'a fait l'osé. Faut pas au jaloux, pas tout temps m'en fait ta main, dis-le, yo te la, mais dis-le, moi t'es tout seul. Chaque semaine qu'a essayé faire plus l'argent, m'en pas tout seul, tout gang blanc qu'a fait l'osé. Faut pas au jaloux, pas tout temps m'en fait ta main, dis-le, yo te la, mais dis-le, moi t'es tout seul. Des wop ou one drop, pas pour faire la fête. Nous ni DG2, nous ni DG3, à dans squad là, nous pas un mec Glock 17. C'est haineux à combien, peut-être un dizaine. Moi isé, c'est un week-end. Changez toute formale, nous pas ni au Pinel. Nous ni des pilotes, des lasers, des gilets. Femme c'est messieurs à dit moins que yo hâte. Pas qu'on fond drop dealer et consommateur. Levé pour faire l'argent sale tous les matins. Zoutil la poule et pichit nous au complet. Check le dinès 220 pour faire bénéf. Moi aimé les ika fait bon day brennen. NSC winner, moi pas qu'à boulet. Moi de ces bitches là-bas, moi yo j'acconnette. NSC winner, moi pas qu'à boulet. Chaque semaine t'as essayé faire plus l'argent. Moi pas tout seul, tout gang blanc a fait l'oseille. Faut pas au jaloux, pas tout temps m'en fait ta main. Dis-le, yo te la mets, dis-le, moi t'es tout seul. Chaque semaine t'as essayé faire plus l'argent. Moi pas tout seul, tout gang blanc a fait l'oseille. Faut pas au jaloux, pas tout temps m'en fait ta main. Dis-le, yo te la mets, dis-le, moi t'es tout seul. Squad. Es el dembow French Caribbean para 42. Y'a la popo, la lili, la police. Y'a qui ban man, mauvais femme, qu'on ka brille la solis. Sou ka pété fort, plus fort qui un touriste. DJ et énervé les touristes. Lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos. Comme nous ni l'ox, nous tout la cavon d'eau. Pour gojong et pété, j'y ka bon tok. Lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos. Comme nous ni l'ox, nous tout la cavon d'eau. Gojong et pété, j'y ka bon tok. Mène en tune pour les filles, si peine gardien matché bia no chat, j'ai pété no fake no. Et à soleil ou en bas la pia, vini vivre la vie, au lieu crier Babylone, qu'est-ce qu'il y a? Mène en tune là, en tune là, en tune là, en tune là, en tune là, en tune là, en tune là, en tune là, en tune pour les filles, mène en tune pour les filles, pour les filles, pour les filles, pour les filles. Yo, no estamos buscando, ellos siguen hablando. Yo ando con Marila, para él la estamos dando. Aquí le mamo, huevo de hoyo, se están llenando. Porque, chamaquito, chamaquito, está subiendo, ching a ching. Diablo, está subiendo, ching a ching, ching. Ay, se juntaron los martiniqueños. Ay, con los dominicanos. Ay, mi mai. Ay, mi mai. Ay, se juntaron los martiniqueños. Ay, con los dominicanos. Ay, mi mai. Ay, mi mai. Chabé pas le modo con puto yon boula. Santo Domingo, Punta Cana. Tu connais l'état, puis c'est très délicat. Ma tabola, kiloke, wawawa. Kiloke, wawawa. Kiloke, wawawa. Kiloke, wawawa. Kiloke, wawawa. Fia dit, mais il est fait con Noelia. Opideka, Adriana, Trushita. Sorti ma d'arrivé Barcelona. Check mes V2V, check mes terres, c'est villa. Bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita. Au pays, fuck ma chérie, Glock 17 là. Opideka, Opinella est toujours là. Rocoqueo, rocoqueo, singeteo, singeteo. Ven, quítame los panties, ven, dame deo. Que yo sentí fuego, fuego, fuego. Papi chulo, yo te quiero, quiero, quiero. En la cama quiero fuego, fuego, fuego. La Molly lo tiene loco, yo sé que te provoco. Es que tengo saoco, eso te tiene loco, loco. Loco, loco, loco. Piloneo, piloneo, piloneo. Tú mejor que yo, yo no lo creo. Piloneo, piloneo, piloneo. Tú mejor que yo, yo no lo creo. Dog side, si vous un bad boy, get to me, do we outside. Nous si de sunside, et ve de chica outside. Me do sa fantastique, et ve de bombastique, sa hallucinant. Et garça, ti bay, nous pas ni temps pour faire des tailles. On y chebe, yon patete, do se backshot pour bay. Backshot pour bay, me do se backshot pour bay. Et ve DJ, tu sens qu'a senti comme Dubai. Senti crier, me really, dis-moi, one life ka bay. Nous peke de se fia, bye bye. Pour me plan de chica c'est puis bigas. Ça a capré moi, mais nous dias, mais ça tenace. J'ai beaucoup ton aïe, j'ai quoi secouer tête. Basse la ca, faut bon mal tête, doc. Tu tues, baye basse, pour you ça secouer fesse. Ok, la nia qui femme pour fesse. Moi de anti casse, moi la ca flex sexy. Maman, foot, mazelle, ni peps. Tu tues, bad boy, la massa. Yo, son José Shannon, Noelia. Don Meme. Meri. From craniums, my firearms remove limbs from shady ones. I milli rock on any block, the nanny up. Beast mode, I fucked around and got the beast sprung. Cakey break, sexing at your neck like some razor bump. Imported fruits can spit the truth since 1991. The shogun demand respect from fucking everyone. Top to top of fresh clams and lobster, sea salt or pasta, body shots to chakras. Hold up, I had to double check my status. My name alone should let you know I'm something savage. I'm Miss Petty, hit the Quan out in the Serengeti. Hot spot, preheating ain't never necessary. So how you hating on the come up? Don't be mad, little mama, get your funds up. You on the one, let me see you get your fun up. Devil rest, let me see you throw your guns up. Guillotine, head gone. I'm talking greasy, I'm slept on. In the club, getting saucy with a red bone. Getting those shots all over my iPhone. Guillotine, head gone. Bad bitch, I'm slept on. In the club, getting saucy with a red bone. Getting those shots all over my iPhone. I'm too ill eating these rappers like they appetizers. Why these baby fags on my dick like a pacifier? Did it during them, had to restock my whole attire. Shaka flow, versatile, spitting through the fire. Hot 97 posted up, it's a new designer. You're a no-no, rappers hot like so-so. I'm all used to vanilla, shaggy and some cocoa. Don't fuck with men to keep my carry very solo. Do this shit especially haters all in my recipes. Often basic rappers is my motherfucking specialty. To a stat of lima beans and some celery. To a stat of lima beans and some celery. So how you hating on the come up? Don't be mad, little mama, get your funds up. You on the wall, let me see you get your fun up. Devil-breads, let me see you throw your guns up. Guillotine, head gone. I'm talking greasy, I'm slept on. In the club, getting saucy with a red bone. Getting those shots all over my iPhone. Guillotine, head gone. Bad bitch, I'm slept on. In the club, getting saucy with a red bone. Getting those shots all over my iPhone. Πρώτου πιάσω το τετράδιο και γράψω ένα rap verse. Πες το πως θες, βάζω κουτσουπιλά. Γιατί σε αγαπώ και λιώνω, μου έχεις γίνει πελάς. Κι έχω σκυλιάς και πονώ σαν το ζεφύρι μελά. Είναι απ' τζάνι, κι εγώ με ένα περήφανο γυνάνι. Δεν μου κάνει, όπως το Μανώλο και το Γιάννη. Μάνε μαύρη, να ξέρετε η καταγωγή του πλάτη. Έχει βγάλει θρύλους πλάμη σαν το Μάνο Χατσιδάκι, μασαλά. Είναι ευλογιά μεγάλη, μ' ό,τι γράφεις να γκρουβάρει. Όσο κι αν με πεις σκιάζει, το σαπούνι σου χαλάει. Έχω φράσεις, έχω κάνει λάθη και έχω αμαρτάνει. Ο Θεός με κρίνει, αλάνει, αλλά γάμα το χαλάλι. Για την Ελλάδα, ρε, ρε γάμο το. Η τύχη μου έχει φτάσει μέχρι κοντούρ. Όταν με ρώτησα να παίζει εδώ πιστολή, απ' απ' είναι τα χρέη που δεν πληρώνω. Ζωριά πολλά τραβάς με το που ξυπνάς. Που πια τα σπάς ενώ λογαριασμούς κοστάς. Ακυβέρνητο καράβι η αγάπη μας. Αφήσαμε τα δυο μας τρίτους να μας κυβερνάν. Θα σε αφανίσουνε στεγνά. Ψάρωσες μαζί τους ψέμα σου σε βίρουν. Και με παραμύθια σε ταΐζουν. Και για να χορτάσουν τι θα κάνουν. Θα σου πιούν τα αίμα χέστηκαν για σένα. Άσε δεν περνάνε αυτά σε μένα. Οκ, πίσω στο θέμα να καλμάρουμε. Είσαι δύσκολη και ωραία, το καταλάβαμε. Μα εδώ που φτάσαμε άλλο χρόνο δεν θα χάσουμε. Όσο με γράφεις γράφω ραπ και δες τώρα που φτάσαμε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Σκάμε για τρέλα όπως τότε. Αλληλούι. Είναι κάποιος άλλος. Αλληλούι. Γεννηθήκαμε κάποιος άλλος. Αλληλούι. Περπατάμε κάποιος άλλος. Αλληλούι. Σκάμε για τρέλα όπως τότε. Just wanted to send some words of encouragement. Y'all stay focused, y'all keep working hard, believe in yourself, stay motivated, stay inspired, show love to your people. DMX 50 Cent μες στο DNA Ray. TXC BDC μες στο DNA Ray. TMC. Ο νύψης σκάει στον ύπνο μου και λέει: αν δεν δούμε την καρό σημαία δεν είμαστε ok. Δυο μέρες καθόμουν άιντε, ώρα να επιστρέψω. Τόσο κατάφερα να αντέξω. Προτού να μπω στο στούντιο μια εβδομάδα θα νηστέψω. Σαν το σπίτι της γιαγιάς μου αφήνω τα παπούτσια μου έξω. Η αλήθεια είναι πικρή και πούς ακόμα. Πιο πολύ περαστική και πούς ακόμα. Όταν χώναμε στο κρύο μες στο χειμώνα. Εσύ ήσουν ακλαρίνο κοίς ακόμα. Προσοχή δικέ μου, κάνε αυτοκριτική δικέ μου. Λες πως είσαι κορυφή δικέ μου, δεν ισχύει δικέ μου. Έχω βαρεθεί να ακούω θα και θα δικέ μου. Επιτέλους κάνε κάτι στρώσου στη δουλειά δικέ μου. Και τι άλλο. Πάρε κανένα δώρο στη μαμά σου. Και τι άλλο. Ξέρω εγώ βρέστα με τον μπαμπά σου. Και τι άλλο. Πες στους φίλους σου τα σχέδιά σου. Και τι άλλο. Κάνε το όνειρό σου πιο μεγάλο. Σαν να είμαι παιδί, παίζω μπάλα που να πάρει. Έβαλα την τσάντα στο πάτωμα για δοκάρι. Μία συμβουλή για ποιον θέλει να σκοράρει. Ποιος να με κοντράρει. Κάνε μου τη χάρη, μαγκά. Ρε κάνε μας τη χάρη και μάθε μπάλι τσαγόρι. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Επιτέλους θα έρθει στο πλευρό. Αλληλούια. Σκιώμαι για τρέλα όπως τότε. Αλληλούια. Είναι κάποιος άλλος. Αλληλούια. Γεννηθήκαμε κάποιος άλλος. Αλληλούια. Περπατάμε κάποιος άλλος. Αλληλούια. Σκιώμαι για τρέλα όπως τότε. Αλληλούια. Toujours lourd, en deuxième émission, on vient de s'écouter Negros to Moria, aussi connu sous le nom de Black Morris, l'un des rappeurs grecs les plus influents de ces dernières années. Le nom Negros to Moria est un jeu de mots sur Géros to Moria, un général légendaire de la révolution grecque de 1821 contre l'occupation ottomane. Le son de ce rappeur, c'est ce qu'il appelle le trabético, c'est-à-dire la fusion des rythmes trap avec les mélodies folkloriques du rebetiko. Ce morceau, Kapos Alios, est extrait de son dernier album Mavri Elada, sorti en avril 2025. Juste avant, c'était Talking Greasy, extrait d'Hedonism, le premier album de Kex D'Aquila, sorti en 2016. Kex D'Aquila, c'est un excellent rappeur du New Jersey. Il appartient à la scène LGBT, comprenant des artistes comme Mickey Blanco ou LSD Xojo. Ses derniers sons proposent un renouvellement intéressant d'un certain mouvement hip-hop house qui a existé dans les années 80-90 aux États-Unis, notamment à Détroit, et un flow toujours au top, donc c'est à suivre. On a écouté aussi Dembo Martinica de Meryl, extrait de l'album Caviar, sorti en 2024. Il y avait en featuring Lamassa, Josie, Noelia, Shannon et Yozo. Et le Dembo, c'est un genre musical originaire de République Dominicaine, dérivé du dancehall et du reggaeton. Meryl, c'est une rappeuse d'origine martiniquaise qui a débuté d'abord en faisant beaucoup de prod dans l'ombre d'artistes comme SCH, Shea et Uniska, avant de se lancer vraiment en solo à partir de 2019. Elle a sorti un album en 2025 qui s'appelle La Dame et qui est top aussi. Juste avant, c'était Plus l'agent de Mercenaire et D-Nice, des artistes trap martiniquais. C'est extrait d'un EP de Mercenaire sorti en 2025. Mercenaire, il est actif depuis pas mal d'années. Il a commencé plutôt dans le dancehall et puis il est passé au rap vers 2010 avec d'abord du crunk et puis après d'autres types de sons. Et puis D-Nice, il a pas mal de sorties aussi. Allez checker tout ça, c'est vraiment du bon. On avait commencé cette séquence avec Lyrix et son morceau Chine la Line. Lyrix est un artiste d'origine guadeloupéenne, actif depuis 2008 et qui fait le lien entre Atlanta et Pointe-à-Pitre, direct, authentique et plutôt prometteur. Bitch, I'm from Memphis, what you know about me? Big G-L-O-N-A-G-L-E 50,000 new Chanel, shopping spree. And every time I pop out, you know I A-T-E. Hey, hey. I'm that bitch, ho, get like me. You know it's Y-W-R, big C-M-G. Wipe me down. Small niggas, tall niggas, long paper, no small fix. Beat the bitches all pretty, and we y'all learn booty shorts, cause my paper long. Oh God. It's a Friday night, what's up? My nigga ain't at home. Let's go. I pull my bitch shots, uh-huh. Cause I don't drink alone. Hell no. I'm outside again, let's get it. Cause bitch I hate it home. The fuck? It's giving her face, hey. A, teeth, yeah. Her face, hey. A, teeth, yeah. It's giving her face, hey. A, teeth, yeah. Her face, hey. A, teeth, S-E-X-Y-Y-R-E-D. Play with me, I put a pothole in your teeth. I'm with my peoples and we coming 50 deep. You ain't know I was a hitter cause I'm always looking fleet. Cash out, new bar, AMG outside, bubble gum with some bloody red seat. I like ratchet bitches twerking to the beat. If you hear this song playing, shake that ass for blowing me. I'm wearing booty shorts cause my paper long. It's a Friday night, my nigga ain't at home. I pull my bitch shots cause I don't drink alone. Hell no. I'm outside again, let's get it. Cause bitch I hate it home. The fuck? It's giving her face, hey. Ass, titties, yeah. Her face, hey. Ass, titties, yeah. It's giving her face, hey. Ass, titties, yeah. Her face, hey. Ass, titties, yeah. Coochie drive him crazy, CTC. He a dog for the pussy and you know I got the treat. Private entry through the club, fuck a fee. Bitch play with gang tonight, her face going on the tee. Bad bitch, you know I'm thick as Coachella. You won't never catch me slipping, ain't no fucking Cinderella. Stupid bitch, blow the P and the P stand for poppy, neck on false. Do my dance on them bitches since they watch. I'm wearing booty shorts, cause my paper long. Oh God. It's a Friday night, what's up? My nigga ain't at home. Let's go. I pull my bitch shots, uh-huh. Cause I don't drink alone. Hell no. I'm outside again, let's get it. Cause bitch I hate it home. The fuck? It's giving her face, hey. A, teeth, yeah. Her face, hey. A, teeth, it's giving her face, hey. Hey, hey, hello, hello, they know, hello. hello, they know, they know. Hello, hello, they know, they know. Hello, hello, they know, they know. Shout it low, I got flavor. Plus you know, the kid got a paper. Like 40, don't save us. Bank head, been pulling caper. The way he dropped, would've thought I had a taser. Call me street, like a razor. Shout it low, ATL, I'm the mayor. Street nigga, but my gear be Taylor. Every day and then shout it, Mike Rock later. Me and that pussy, I got acres, yeah, no more nosy ass neighbor. Big up to all my haters. Hello, hello, they know, they know. Hello, hello, they know, they know. Hello, hello, they know, they know. Hey, hey, hey, hey, hey. I'm talking throwback, 100 grand. What's that? I hit the club and I blow that. All these hoes know low that. I'm picture perfect, make a Kodak. Let's talk my neck, I got a play now. So boys, let's get it. Hello, hello, they know, they know. Hello, hello, they know, they know. How you doing? It's L.O. Say they see three. I'm the one in the middle. No need is B. I can rock it acapella. All I'm about to, all I needed was some skittles. Yeah, now I'm getting G. Yes, sir. Just like G. A-Town fitted. Who but me? L.O. He know. He know. They know. They know. I am. I am. À l'horizon, charbon, pression, prison. J'ai fou l'espèce à la maison. J'te mets du plomb dans la cervelle avec un verre de trop dans le caisson. Belleg, belleg, baisse d'un ton. Fais tourner jusqu'à que ça vend qui pète. Dans mon cœur, c'est le désert. Elle veut croire que j'suis des aides. J'fais des choix qui me desservent. Y'aura du cachir au dessert. Belleg, belleg, reste poli. Drop-moi l'espèce que j'pète un colis. J'suis en mode berserker en roulis. Démarre la folie. Omri, je t'aime à la folie. Mais t'aimes à la folie. On passe à dire comme un Napoli. T'aimes à la folie. Allô, allô, allô. Est-ce que tu me reçois? Réponds-moi en nano. Le monde n'est pas à nous. Ne fais pas comme Tony qui est tombé dans le panneau. La chouille, y'a pas rano. Paye-moi de mano à mano. Attiré par le mauvais, un peu comme Frodon, attiré par le nom. On veut la vie d'Aloca écouler, là où là, la villa en moula. Méfie-toi de cette fille-là, elle est vénale que l'inal. Des lignes médis, mais des lina dans le cercle final. Pas de goulag, hein. Fais soirée, on déboulasse, hein. Ça nous plaît pas, la molly, la plaît pas, la police. Téma la folie. Téma la folie. Téma la folie. Téma la folie. Téma la folie. Téma la folie. Téma la folie. T'es ma la folie, on va sentir comme un Napoli. Eh, t'es ma la folie. Je leur fais peur comme la momie. Pilon après pilon, je vis en harmonie. foncé au frozen et à l'olive. Je manie la résine comme si je t'ai fait dans la poterie. Complètement drogué et alcoolique. Je suis provoquant mes opposants, je les carbonise. Avec gros mots je m'associe. T'as qu'à avaler des pilules de chez Sanofi. Repose en paix à Akira Toriyama. Nique la police, mange des macaronis. Je suis sur le Panasonic ou comme Asaproki. Je vais baiser Aphrodite, faire péter l'algorithme. Beau comme Apollon, je mange pas de cochon. Je parle pas de fausse monde, toi tu veux apparaître sur ma story. Gros j'ai l'œil du tigre à Rocky. Avant tu m'aimais pas et maintenant tu m'applaudis. Je vais atteindre mon paroxysme. J'y vois très clair comme si j'étais franc-maçonnique. Tempête de neige comme à Chamonix. S'ils souhaitent que je me ramollisse et veulent me voir appauvri. En bas ça tire comme à Napoli. Pas besoin d'anabolisant, je rappe que des saloperies. Les putes j'écoute pas leur calomnie. Je les laisse agonisant dans leur sale taudis. La folie. Vous écoutez toujours Lourd, on arrive au terme de cette deuxième émission. À l'instant, c'était Gros Mot featuring El Capote avec le morceau Napoli sorti en 2024. Un morceau parfaitement régressif avec une prod clubbing et un couplet aux petits oignons du toujours très lourd El Capote. Gros Mot, lui, c'est un rappeur de Perpignan actif depuis une dizaine d'années. Il a un flow assez polymorphe, ce qui me plaît pas mal, et les prods sont souvent soignés. Juste avant, c'est le grand classique sudiste américain Zeno Deno de Shotty Low sorti en 2007. Le morceau comprend un sample incroyable de Children of the Sun de Mandrill, un groupe soul funk new-yorkais des années 70, qui a été très samplé par différents rappeurs. Shotty Low, c'est un rappeur d'Atlanta, fondateur du très influent groupe D4L, et il nous a malheureusement quitté en 2016 à seulement 40 ans. On a également écouté au début de cette séquence What You Know About Me de Gloria et Sexy Red, extrait de l'album Glorious de Gloria sorti en 2024. Gloria, c'est une rappeuse originaire de Memphis qui a débuté sa carrière en 2018 et qui a signé sur le label de Yo Gotti. Sexy Red, c'est une rappeuse de Saint-Louis qui est active aussi depuis 2018 et qui a déjà sorti 3 albums, donc les deux sont à suivre bien sûr. On va se quitter avec Stop Playing With Me de Tyler the Creator, extrait de son album surprise Don't Tap the Glass, sorti à l'été 2025, un morceau survitaminé. Vous verrez que c'est compte avec ses détracteurs et un album très fort qui prouve qu'on est en droit d'attendre encore beaucoup de ses anciens membres de Hot Future. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt pour la troisième émission de Lourd. Niggas really weird, bro. I stay out the way. Bro. When I get to snapping like doo-wop, really got the juice like Tupac. Shorty got a strong jaw, might chew rock. Got me coming out the blue like new cop. I've been rocking by myself, I'm through. You jump off the porch, me, I flew. Niggas say I'm too sick, I chew. Stop playing with me. Stop playing with me. Bitch. Nigga, stop playing with me. Fuck you and your mama, stop playing with me. Fuck you and your dreams, stop playing with me. F40, that's the brand new coupe. Stuffing with bitches, what the fuck I do? Caught the plane with Matt Braun there too. Thank the gods I'm nothing like you. Like you. Bitch. Like you. That pussy. Like you. Nigga, stop playing with me. Bitch, stop playing with me. Nigga, stop playing with me. Stop playing with me. Stop playing with me. Fuck you and your mama, stop playing with me. Fuck you and your dreams, stop playing with me. Fuck you and the kids, stop playing with me. Now tell them boys hop off my dick. Tell them boys hop off my dick. Use a funky ass bitch. Use a funky ass bitch. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tell them boys hop off my dick. Only talk big shit, that's a big bag. Niggas always hated on me, niggas been mad. Pussy, we can line it up like a chin strap. I could grind a whole wish, think I'm Sinbad. I caved in her hurt, bitch, I've been led. Fast money, big shit, bitch, I've been had. Ears, neck, teeth, wheels like a tin man. Spending Converse money, what I mean is burning white paper, that's a zigzag. drown in it like I swim bad. Yuck. Nigga, look. Don't you try to downplay my name. You're in others if I crash this plane. Hated recess, I don't play no games. Nigga, stop playing with me. Bitch. Get your funky ass in that tub, bitch.